C'est l'heure où Raymond Poirier nous parle technologie d'information. Bonjour Raymond Poirier. Bonjour Tania. Et là, on a une thématique bien particulière parce que en octobre, en Europe, c'est le mois de la cybersécurité. Exactement. C'est la première fois, en fait, qu'eux tiennent ce mois-là. L'idée, c'est de faire un peu un projet pilote. Il y a la République tchèque, le Luxembourg, la Norvège, la Roumanie, Slovénie, Espagne, Royaume-Uni, Portugal, qui participent chacun de leur côté à différentes activités, manifestations. L'objectif de ça, c'est d'un côté de sensibiliser les États, les entreprises, de l'autre de sensibiliser aussi les citoyens aux réalités liées à la cybersécurité, dans l'optique où ça devient justement de plus en plus préoccupant, de plus en plus problématique également à différents égards, à différents degrés. Et j'imagine que la cybersécurité, ça va quand même plus large que juste changer son mot de passe. Oui, mais malgré que ça inclut aussi changer son mot de passe, là, c'est un des éléments parmi une multitude d'autres. En fait, d'abord, peut-être si on essaie de se situer, je suis tombé récemment sur un petit document produit en Grande-Bretagne, une espèce d'aide-mémoire, de mémorandum sur justement la thématique de la cybersécurité. Alors d'emblée, en fait, quand on parle de cybersécurité, ça implique la sécurité dans le cyberespace. Le cyberespace, qu'est-ce que c'est? Ben, entre autres, c'est Internet, donc c'est ce domaine interactif qui est fait de réseaux digitaux qui est utilisé pour entreposer, pour modifier, pour communiquer de l'information. Ça inclut l'Internet, comme je le disais, mais c'est plus large que ça. Ça va de l'informatique embarquée qu'on peut avoir dans nos automobiles jusqu'aux réseaux internes d'entreprise, jusqu'aux appareils électroniques au sens large. Donc, le cyberespace, c'est plus large que l'ordinateur, que Internet, mais ça l'inclut. Et évidemment, comme c'est la pointe la plus imposante aussi du cyberespace, le web, eh bien, évidemment, ça reste une cible de choix. Là. Ça, oui, c'est quand certain. Même. Donc, ça, c'est pour la définition. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le document? Ben, notamment, ça, on essaie de saisir d'abord les problématiques qui peuvent être amenées par la cybersécurité, par les attaques liées à la cybersécurité. Par exemple, on parle de l'idée de compromettre l'information parce que c'est un peu l'enjeu qui est au cœur de ça, c'est la sécurité de l'information. Et qui peut s'attaquer à cette sécurité-là? Alors, notamment, on parle, entre autres, de cybercriminels, donc des gens qui sont intéressés à faire de l'argent à travers des pratiques de fraude, à travers la vente d'informations pertinentes. On parle également, quand on rentre dans les entreprises ou dans les États, ben, de compétiteurs industriels, d'autres pays, de services secrets d'autres pays qui peuvent être intéressés à aller chercher aussi des informations pour obtenir un avantage, un gain pour leurs entreprises, pour leur pays. Évidemment, les hackers. Aussi, une autre branche de hackers qui s'ajoute quand on parle, par exemple, de gens comme Anonymous, on parle d'activistes. Donc, hacker mélangé avec activiste pour l'autographe. Et également, il y a aussi les employés des entreprises, des administrations publiques qui sont aussi ciblés dans l'optique où, d'un côté, ils peuvent avoir accès légitime à de l'information qu'ils peuvent diffuser par accident ou volontairement. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est intéressant, dans la mesure où ils ont remarqué que les dangers ne sont pas justement que techniques, même au contraire que pour justement s'attaquer un État ou une entreprise ou un individu, mais ça devient de plus en plus facile de simplement y envoyer un courriel et l'amener à cliquer sur ce courriel-là de manière intentionnelle, plutôt que d'essayer d'entrer dans son système, qui sont quand même de mieux en mieux gardés. Les technologies évoluent des deux côtés, mais l'erreur humaine, elle, reste un peu la même. Et c'est pour ça aussi que, du côté de l'Europe, on dit il faut sensibiliser les gens face à cette réalité-là. Il faut pas cliquer surtout sur rien, télécharger n'importe quoi. C'est la première étape dans la protection de notre information. Donc ça, c'est de sensibiliser les gens aussi. Mais quels sont les dangers d'une cyberattaque? Mais c'est assez varié, en fait. Nécessairement, ça dépend toujours des impacts. Et tiens, je vais faire un peu de saut d'un rapport à l'autre. On parle évidemment d'informations qu'on va venir rechercher. Donc, l'information qu'on va venir rechercher va dépendre de la personne ou de l'entreprise ou de l'organisme qu'on va aller cibler. Donc, les menaces sont variées. Ça, c'est important de garder ça en tête. Et il y a un rapport français, justement, qui a été publié assez récemment aussi, qui détaille un peu les cibles et formes en cours et les formes attendues. Donc, ce qui est important de savoir de manière générale, c'est que quand on parle du cyberespace, il n'y a pas de grande différence avec la vraie vie. En matière du monde physique, donc quand on parle de criminalité, ce qu'on fait dans le monde physique, on va le faire dans le cyberespace. OK. Donc, c'est assez similaire. On peut parler, par exemple, de menaces émergentes, évidemment, sur les transactions, sur les applications en ligne, des choses comme ça. Donc, l'idée d'aller chercher des informations de crédit, d'aller chercher des informations personnelles, des informations privées, ça peut être un peu plus large. On peut parler de fraude. Enfin, on le voit souvent, c'est qui ne reçoit pas presque quotidiennement des courriels d'un prince nigérien qui nous offre un héritage. Donc, ça, c'est de la simple fraude. Ça peut aller à du vol d'identité, ça peut aller plus loin à du vol d'informations privilégiées, d'aller chercher justement des secrets d'entreprise, d'aller chercher des procédés, d'aller chercher des secrets d'État, etc. Donc, c'est extrêmement vaste, mais donc, je le répète, ce qu'on retrouve comme criminalité dans le monde réel, on la retrouve aussi dans le monde cybernétique. Et ce serait quoi les solutions? Mais il y en a plusieurs, quand même. Là, on n'est pas trop dépourvu devant ça. Ce qui est important de savoir, en fait, de manière générale, c'est que, d'un côté, les technologies évoluent. Donc, il y a de plus en plus de manières et d'approches et de logiciels qui peuvent permettre d'apporter une certaine protection. Par contre, plus on développe, exemple, des antivirus, donc pour attaquer les logiciels malicieux, mais plus, évidemment, les gens qui créent des virus, qui créent des logiciels malicieux, vont aussi avoir des technologies qui évoluent. Donc, c'est en constante progression, et ce qui fait qu'il faut quand même être attentif, suivre un peu les tendances et les évolutions. De manière générale, donc, ce qu'on propose, c'est en entreprise, de développer une politique d'utilisation des réseaux, une utilisation des réseaux mobiles notamment, et de l'appliquer et de la suivre aussi, parce que c'est pas une chose seulement de l'appliquer, c'est une autre chose de la suivre, et une politique dans laquelle il y a personne à l'intérieur de l'entreprise qui peut ne pas la suivre, qui peut s'en sortir d'une certaine façon, indépendamment de son statut dans l'entreprise. Évidemment, si on met en place une politique, le deuxième point qu'on propose, c'est de s'assurer que les gens soient au courant des raisons derrière cette politique-là, donc de s'assurer que les gens comprennent bien les impacts que peuvent avoir les logiciels malicieux, les problèmes que ça peut amener, et que, au bout du compte, comme on le disait tout à l'heure, la solution, ben, de base, c'est de rester attentif à ces menaces-là. Ensuite, dans un deuxième temps, là, on parle de gestion du risque, de gestion des incidents. Donc, si on a fait donc ces deux éléments-là et qu'il y a quand même un incident, donc faut rapidement réagir à ces dangers-là pour éviter que ça ne se répande trop rapidement. Donc, on propose aux entreprises, aux organismes de mettre en place une politique claire, précise, détaillée. Et ensuite, face à ces incidents-là, ben aussi de pouvoir gérer le risque, pouvoir déterminer le risque, pouvoir voir d'où viennent la plupart des menaces, de quelle nature elles sont, et ensuite, ben, quand on comprend bien le problème, ben, c'est plus facile aussi d'y résoudre, parce qu'on peut être dans une petite entreprise où on a simplement des problèmes au niveau courriel et autres. Dans d'autres entreprises, il peut avoir des attaques plus formelles aussi. Donc, ça donne rien si on n'a pas besoin de se préparer à une des attaques de grande échelle, mais de s'y préparer, c'est une perte d'investissement, d'intérêt, de temps. Donc, faut bâtir les réponses en fonction des problèmes et non en fonction de problèmes imaginaires ou imaginés. Oui, idéalement. Ensuite, ce qu'on propose, c'est donc de gérer des comptes, de bien gérer les comptes, de bien gérer les privilèges des usagers, de s'assurer aussi de pouvoir facilement enlever les différents médias qui peuvent être installés dans les différents ordinateurs, de pouvoir aussi faire une certaine surveillance de ce qui est téléchargé, par exemple, de l'activité qui est présente sur les réseaux, pour pouvoir identifier s'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe, donc qui peut être lié justement à une menace externe ou interne. À ça, ben, on ajoute donc une bonne configuration, une bonne protection aussi contre justement les logiciels malicieux, et enfin d'avoir un réseau qui est sécurisé et une sécurité, mais qui est à jour évidemment, tout comme les protections contre les logiciels malicieux. Donc ça, c'est la base, disons, pour essayer d'éviter la cybercriminalité. Et j'imagine aussi que le fait que maintenant on peut transporter notre Internet un peu partout, on peut se connecter, on peut se brancher, ça aussi, ça doit amener d'autres défis. Oui, mais en plus, c'est dans la mesure aussi où bien souvent, c'est pas nécessairement l'entreprise qui va fournir l'appareil à l'employé. C'est un peu ce qu'on appelle en anglais le « bring your own device », donc « apporte ton propre appareil ». Et donc, dans cette idée-là, ben, on en vient à avoir des appareils mobiles, des iPods, des iPhones, iPads, des mini-portables, des choses comme ça, Android, et on souhaite les utiliser dans le contexte du travail. et en les utilisant dans le contexte du travail, bien évidemment, ça devient une porte, parfois peut-être un peu moins protégée que les portes normales, pour faire entrer donc des logiciels malicieux. Et ce qu'on dit aussi, c'est comme jusqu'à récemment, c'était quand même relativement nouveau, donc il n'y avait pas énormément de menaces malicieuses qui étaient spécifiquement développées pour les téléphones intelligents et pour les tablettes. Mais cette tendance-là, eh bien, elle est en train de se renverser. Ça fait quand même quelques temps que c'est des médiums qui existent. Donc, la technologie du côté des hackers, eh bien, elle commence à être de plus en plus à jour. C'est donc le nouveau terrain de chasse des hackers, l'explosion de la mobilité en entreprise, l'apparition de ces appareils-là ouvert le champ des possibles pour les pirates informatiques. Selon McAfee, enfin, on parlait de 1300 logiciels malveillants qui circulaient en 2011 sur des terminaux mobiles. Par comparaison, c'était 900 l'année précédente. Donc, c'est quand même une hausse assez important. Eh oui. Il y a même certaines années où on parlait d'une hausse d'infection virale de 185%. Donc, quand on dit que ça a commencé proche de zéro, donc ça a doublé pendant un certain temps, puis là, ça continue donc dans cette croissance-là. Et évidemment, c'est toujours dans l'optique d'aller chercher de l'information, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Donc, on a de l'information qui peut intéresser des gens, et il faut que ces gens-là viennent la chercher. Et ce qu'on a remarqué, c'est aussi, entre autres, l'utilisation par le mobile de connexions non sécurisées pour faire des transactions sensibles. Exemple, les téléphones cellulaires, on peut avoir un réseau 3P imaginé, TG. Mais par contre, Wi-Fi public, c'est des accès qui sont un peu moins protégés. Donc oui, on peut les utiliser pour aller sur Internet, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si je décide de faire une transaction bancaire sur un Wi-Fi gratuit dans un centre d'achat, mais on s'entend qu'il y a quand même plus de risques pour que quelqu'un puisse intercepter les données qui sont transmises et aller chercher de l'information ou sur... Chéri Raymond, en terminant... Exactement. Et ce qui se passe, donc, est prévu au niveau de la cybercriminalité, mais est en lien direct avec l'évolution de la criminalité de manière générale. Donc, une série de menaces de perspectives. On parle notamment de menaces plus graves comme du déni de service sur des sites, l'atteinte aux données, l'atteinte à l'image aussi qui va également prendre un peu plus d'ampleur. Donc, c'est différents axes qui vont faire le saut de manière un peu plus accentuée peut-être du monde physique vers le monde du cyberespace. Donc, l'usurpation d'identité, la pédopornographie aussi, qui, selon ce rapport-là qui nous vient de France, devrait rester au même niveau en ce qui concerne les actes physiques. Les infrastructures critiques vont être aussi la cible d'un cyberterrorisme aux motivations variées, mais qui sera de plus en plus important, donc dans la mesure où cet activisme-là qui se faisait dans d'autres types de réseaux, mais va passer de plus en plus au fil des années vers le cyberespace. On parle donc d'atteinte à l'image d'entreprise également, qui pourrait être problématique, du vol de propriété intellectuelle, des escroqueries et la mobilité, évidemment, qui amène ces facilités-là. Alors, de manière générale, donc, ces éléments-là sont présents, vont l'être de plus en plus, et ça dans un contexte aussi où, avec les nouvelles technologies, la frontière entre vie professionnelle et vie privée devient de plus en plus mince. Donc, nécessairement, il va falloir donc élargir un peu ce qu'on considère comme étant de la sécurité de réseau d'entreprise, d'administration et le reste. Alors, on va tout de suite mettre notre mot de passe à jour et en fait notre antivirus à jour, et on va changer notre mot de passe pour être sûr d'être un peu plus sécuritaire. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et si on veut plus d'informations, on retrouve, j'imagine, tous ces rapports et études sur le site Internet de l'ITIS? Oui, en fait, sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca, et également dans la section sécurité de l'Observatoire francophone des TI. Alors, l'OFTI, c'est ofti.org. Donc, deux ressources pour aller creuser un peu plus l'information sur cette thématique-là. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir, à la semaine prochaine. Raymond Poirier, qui est chargé de projet à l'Institut Société de technologie d'information de l'Université Laval.